Exode chapitre 3. Or Moïse fut berger du troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et menant le troupeau derrière le désert, il vint en la montagne de Dieu, jusqu'en Horeb. Et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson, et il regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Alors Moïse dit, « Je me détournerai maintenant, et je regarderai cette grande vision, pourquoi le buisson ne se consume point ?» Et l'Éternel vit que Moïse s'était détourné pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson, en disant, « Moïse ! Moïse ! » Et il répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « N'approche point d'ici, des choses tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu es arrêté est une terre sainte. » Il dit aussi, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage, parce qu'il craignait de regarder vers Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai très bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai ouï le cri qu'ils ont jeté à cause de leurs exacteurs, car j'ai connu leur douleur. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire remonter de ce pays-là, en un pays bon et spacieux, en un pays découlant de lait et de miel, au lieu où sont les Chananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, et les Jébusiens. Et maintenant, voici, le cri des enfants d'Israël est parvenu à moi, et j'ai vu aussi l'oppression, dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant donc, viens, et je t'enverrai vers Pharaon, et tu retireras mon peuple, les enfants d'Israël, hors d'Égypte. » Et Moïse répondit à Dieu, « Qui suis-je moi, pour aller vers Pharaon, et pour retirer d'Égypte les enfants d'Israël ?» Et Dieu lui dit, « Va, car je serai avec toi, et tu auras ce signe que c'est moi qui t'ai envoyé, c'est que, quand tu auras retiré mon peuple d'Égypte, vous servirez Dieu près de cette montagne. » Et Moïse dit à Dieu, « Voici, quand je serai venu vers les enfants, est-ce d'Israël, et que je leur aurai dit, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, s'ils me disent alors, quel est son nom, que leur dirai-je ? » Et Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Il dit aussi, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous, c'est ici mon nom éternellement, et c'est ici le mémorial que vous aurez de moi dans tous les âges. Va, et assemble les anciens d'Israël, et leur dis, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu, en disant, certainement je vous ai visité, et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte, et j'ai dit, je vous ferai remonter de l'Égypte où vous êtes affligés, dans le pays des Chananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, qui est un pays découlant de lait et de miel. Et ils obéiront à ta parole, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est venu rencontrer. Maintenant donc, nous te prions que nous allions le chemin de 3 jours au désert, et que nous sacrifions à l'Éternel, notre Dieu. Or je sais que le roi d'Égypte ne vous permettra point de vous en aller, qu'il n'y soit forcé. Mais j'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes les merveilles que je ferai au milieu d'elle, et après cela, il vous laissera aller. Et je ferai que ce peuple trouvera grâce envers les Égyptiens, et il arrivera que, quand vous partirez, vous ne vous en irez point à vide, mais chacune demandera à sa voisine, et à l'hôtesse de sa maison, des vaisseaux d'argent et des vaisseaux d'or, et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et sur vos filles, ainsi vous butinerez les Égyptiens.